Le simple contact de cette bien-aimée du Seigneur avait quelque chose de miraculeux. En 1689, sœur Anne-Marie Aumônier de Chalenforge, dès les premiers jours de son postulat comme sœur converse, s'était blessée à la jambe en fendant du bois. Ayant porté son mal en silence assez longtemps, dans la crainte qu'on ne la renvoyât, un second accident fit rouvrir la plaie, et la jeune sœur ne put dissimuler davantage ses souffrances. Mais, pleine de confiance dans les mérites de la sœur à la coque, dont elle avait appris des choses si extraordinaires, elle pensa qu'en touchant seulement le bas de sa robe, elle guérirait. Or, un jour que la postulante rencontre la servante de Dieu au chauffoir commun, s'approchant d'elle et se baissant comme pour ramasser quelque objet, la pauvre affligée ne fit rien d'autre que saisir un pan de la robe de la vénérable sœur pour s'en frotter la jambe. Dès ce moment, elle alla beaucoup mieux et fut entièrement guérie en peu de temps. Ensevelie au fond de son cloître, Marguerite Marie avait à remplir un dernier mandat, d'une importance capitale pour que sa mission fût complètement achevée. Un jour, la dévotion au Sacré-Cœur lui fut montrée comme un bel arbre que Dieu avait destiné, de toute éternité, pour prendre son germe et ses racines dans l'Institut de la Visitation. Les fruits de cet arbre sont des fruits de vie et de salut éternel. Chaque âme peut en cueillir à son gré et selon son goût. Le divin cœur veut que les filles de la Visitation distribuent les fruits de cet arbre sacré avec abondance à tous ceux qui désireront d'en manger, sans crainte qu'il leur manque. Mais, continue-t-elle dans la même lettre à la mère de Soumaise, il ne veut pas s'en arrêter là, il a encore de plus grands desseins, qui ne peuvent être exécutés que par sa toute-puissance, qui peut tout ce qu'elle veut. Alors, avec autant de candeur qu'elle en mettrait à rapporter la chose la plus facile du monde, elle redit les messages dont notre Seigneur la charge pour le roi de France. « Fais savoir au fils aîné de mon Sacré-Cœur, parlant de notre roi. » Et elle expose nettement tous les désirs du cœur de Jésus. Il veut régner dans le palais du roi, mais surtout dans son cœur. Il veut être peint sur ses étendards et gravé dans ses armes pour les rendre victorieuses. Il veut le voir lui élever un temple où le tableau du Sacré-Cœur serait exposé, afin d'y recevoir la consécration et les hommages du roi et de toute la cour. Enfin, il l'a choisi comme son fidèle ami pour faire autoriser la messe en son honneur par le Saint-Siège apostolique et en obtenir tous les autres privilèges qui doivent accompagner cette dévotion de ce Sacré-Cœur. Puis elle déroule tout le plan de réussite tel qu'il lui a été surnaturellement suggéré. Dieu a choisi le révérend père de la chaise pour avertir le roi. La mère de Soumaise devra s'employer à faire agir l'imminent jésuite, mais la sœur à la coque restera cachée. Je vous demande toujours le secret pour tout ce que je vous dis. La mère de Soumaise, qui ne rejette aucune proposition venant de sœur Marguerite Marie, accepte encore celle-ci et se sent inspirée de se servir de l'intermédiaire de la mère Marie-Louise Croiset, supérieure du monastère de Chaillot, où venait de se réfugier l'infortunée reine d'Angleterre, Marie-Béatrix d'Este, cette ancienne duchesse d'York, dont le père de la Colombière avait été prédicateur. À la faveur de telles entremises, ne finirait-on point par arriver jusqu'à Louis XIV? Voilà ce qu'on se proposait. Qu'a-t-on obtenu? On a pu dire et penser bien des choses sur ce grand sujet. La vérité est qu'aucun document ne demeure des négociations entreprises, et qu'elles sont alors restées sans effet. Le roi n'eut-il pas connaissance de l'avertissement céleste? Ou, l'ayant connu, n'eut-il pas le courage de s'y conformer? Bien que ce soit le secret de Dieu, les événements ultérieurs sembleraient plutôt permettre de croire à cette dernière hypothèse. S'il n'y avait eu dans la famille royale une tradition quelconque du message fait à Louis XIV, le vœu de Louis XVI aurait-il contenu si explicitement ces diverses clauses? De prendre les mesures nécessaires pour établir une fête solennelle en l'honneur du Sacré-Cœur de Jésus, laquelle serait célébrée à perpétuité dans toute la France, le premier vendredi d'après l'octave du Saint-Sacrement. De consacrer au Sacré-Cœur sa personne, sa famille et son royaume. D'ériger, de décorer à ses frais, dans une église à son choix, une chapelle ou un autel au Sacré-Cœur. Il est encourageant de se rappeler ce qu'écrivait la Sainte. Une chose qui me console fort, c'est que j'espère qu'en échange des amertumes que ce divin cœur a souffertes dans les palais des grands, pendant les ignominies de sa passion, cette dévotion l'y fera recevoir avec magnificence, avec le temps. Et quand je lui présentais mes petites requêtes sur toutes ces choses qui semblaient difficiles à obtenir, il me semblait entendre ces paroles. « Crois-tu que je le puisse faire? Si tu le crois, tu verras la puissance de mon cœur dans la magnificence de mon amour. » Quoi qu'il en soit, à deux siècles de distance et en attendant davantage, la France s'est souvenue de 1689 et du désir du roi des rois. Elle s'est consacrée au Sacré-Cœur et le temple qui domine sa capitale publie à la face du ciel et de la terre qu'elle se proclame la nation pénitente et dévouée. Depuis la Grande Guerre, elle aime encore à se proclamer la nation reconnaissante. En effet, la vraie France ne peut méconnaître qu'elle doit sa victoire au cœur sacré de Jésus, qui donna tant de vaillance et d'héroïsme à nos soldats pour faire triompher sa cause. Et c'est pourquoi, au lendemain de cette sanglante tragédie, la consécration de la basilique du Vœu National sur la colline de Montmartre revêtit un caractère de splendeur et de solennité qui dépassa tout ce qu'on pouvait espérer. Le pape, sa sainteté Benoît XV, y envoya un légat, son éminence, le cardinal Vico. Les fêtes furent magnifiques, et notre sainte y eut sa place d'honneur, car, tandis que des voix éloquentes y redirent ses vertus et la gloire de sa mission d'apôtre du Sacré-Cœur, des parcelles de ses ossements précieux furent déposées non seulement dans l'autel de sa chapelle propre, mais encore dans le maître-autel de la basilique avec celle du glorieux martyr Saint-Denis. Qu'eût-elle dit l'humble Marguerite de Paray si, en 1689, on avait soulevé devant elle le voile de l'avenir? Et si on lui avait fait lire, à la date du 16 octobre 1919, cette consolante page de notre histoire nationale? Mais revenons aux dernières années de Sainte Marguerite Marie ici-bas. Dès 1689, le père Croiset avait été providentiellement amené à faire quelques additions au livret de la sœur Jolie sur la dévotion au Sacré-Cœur et à le laisser imprimer à Lyon chez Horace Molin, libraire, qui se chargeait lui-même de tous les frais. Mise au courant de tout, la sœur Alacoque écrit au jeune jésuite le 10 août 1689. Notre Seigneur me semble vouloir que je vous assure de sa part que ce commencement lui a donné tant de plaisir qu'il a fait dessein de vous donner les grâces qu'il avait destinées à un autre, lequel s'est voulu excuser sur ses occupations, de faire ce que vous avez fait, et que notre Seigneur veut, si je ne me trompe, que vous fassiez à l'avenir, pourvu que vous ayez le courage de poursuivre, malgré tous les obstacles et contradictions que Satan y pourra susciter, dans la suite de l'exécution des choses qu'il désire de vous. Il vous soutiendra et ne vous laissera manquer d'aucun moyen nécessaire pour cela. C'est clair, ce que le père Croiset a fait n'est qu'un commencement. Le Sacré-Cœur veut quelque chose de plus. Mais comment parler de ce cœur divin sans avoir d'abord entretenu celle qui en connaît tous les secrets? Le père Croiset désire donc voir sœur Marguerite Marie. Par bonheur, il a pour supérieur le père Antoine Billet, oncle de la sœur Claude Marguerite, cette si chère amie de la sœur Alacoque. Le père Billet donne très facilement aux jeunes religieux la permission de faire le voyage de Paray dans les derniers mois de l'année 1689 en compagnie du père Claude de Villette. L'un et l'autre se promettaient des merveilles de cet entretien. Ils arrivent au parloir mais se demandent bientôt si on ne les a pas trompés en leur racontant de si grandes choses de la pauvre religieuse qu'ils ont devant eux. Elle se tient si réservée, si rabaissée qu'à peine ose-t-elle répondre. Est-ce bien là une âme qui lit au fond des cœurs? Déjà, ils se repentent d'être venus de si loin pour voir une personne qui ne leur veut rien dire et se propose de ne pas renouveler pareille visite. Mais le lendemain, ils se sentent pressés de revenir l'un après l'autre. Cette fois, la sainte dit à chacun le mot qu'il faut dire et tous deux recueillent pleine satisfaction. Ils s'étonnent maintenant de trouver tant de force, d'onction et de pénétration dans les paroles d'une simple fille et ils avouent que Dieu seul peut lui communiquer de telles lumières. Cette conférence fut décisive et la dévotion au Sacré-Cœur compta désormais deux apôtres de plus. Depuis ce temps, disent les contemporaines, parlant de sœur Marguerite Marie, ils eurent commerce de lettres avec elle, surtout le révérend père Croiset. Celui-ci eut la joie d'être ordonné prêtre sur la fin du carême de 1690 et de célébrer une de ses premières messes, sinon la première le jeudi saint, 23 mars. Ce même jour, ou pendant la nuit sacrée du jeudi au vendredi, notre Seigneur présenta une grande croix à sa bien-aimée disciple. Elle l'accepta sans en comprendre d'abord la signification. Mais ayant appris, peu après, qu'on la voulait mettre sur le catalogue pour la prochaine élection, elle ne put s'empêcher de dire à son bon maître « Est-il possible, ô mon Dieu, que vous permettiez qu'une créature comme moi soit exposée à la tête d'une communauté? Je vous demande par grâce d'éloigner de moi cette croix. Je me soumets à tout autre. » Notre Seigneur se rendit à ses supplications et à l'ascension de 1690. Ce fut la mère Catherine-Antoinette de Lévis-Château-Morand qui fut élue. Sœur Marguerite Marie en ressentit une joie très grande et très sincère. La première faveur qu'elle lui demanda, ce fut de la sortir de la charge d'assistante pour laquelle la nouvelle supérieure avait dessein de la proposer encore. Notre Seigneur n'approuva pas cette demande quelque peu empressée de sa servante et lui dit « Et quoi, ma fille? Je me suis rendue à ta volonté et pour l'amour de moi, tu ne te feras pas violence ?» L'humble assistante alla aussitôt trouver sa supérieure pour lui demander pardon d'avoir manifesté sa propre volonté et l'assurer qu'elle était disposée à faire tout ce qui lui serait ordonné. Elle fut maintenue dans sa charge pour le bonheur de la communauté, qui s'adressait à elle confidemment. On ne peut s'empêcher de le constater. Dieu donne maintenant à tout le monastère le pressentiment qu'il ne conservera plus longtemps l'admirable flambeau qu'il possède. On ne peut s'empêcher de le constater, Dieu donne maintenant à tout le monastère le pressentiment qu'il ne conservera plus longtemps l'admirable flambeau qu'il possède. Les contemporaines sont les premières à dire que sœur Marguerite Marie avait beaucoup de lumière et de grâce pour consoler et soulager les sœurs dans leur peine, et que chacune lui découvrait avec permission les siennes. Il semble qu'on voit le tableau. Il y a quelque chose d'attendrissant. Toutes ces âmes qui s'ouvrent à la confidente du cœur de Jésus qu'elle touche en spectacle, non seulement elle les console dans les afflictions présentes, mais parfois, pénétrant l'avenir, elle annonce à telle personne telle croix pour plus tard, et lui indique comment il faudra la porter. Témoin sœur Jeanne-Françoise Chalon, qui déposa en 1715, que la vénérable sœur lui prédit de certains chagrins qu'elle devait avoir dans un temps assez éloigné, et lui marqua de la manière dont elle devait se comporter dans cette occasion, quoiqu'il n'y eût aucune apparence que ces chagrins dussent arriver et que la déposante n'en voulût rien croire. Cependant, elle a trouvé le tout véritable. De même que le voyageur, parvenu au sommet d'une montagne très élevée, n'entend plus aucun des bruits de la plaine et ne se souvient plus des mille dangers de l'ascension, mais qu'il est comme perdu dans la contemplation du ciel et des splendides horizons qui se déroulent devant lui. De même, cette âme prédestinée, parvenue à ce radieux sommet de l'union divine, n'entend plus rien des bruits inférieurs. Elle ne voit plus que le cœur de son Dieu et les infinis horizons de son amour. Tous les désirs, même les plus saints, ont cessé en elle. La mère de Lévi-Château-Morand, la voyant si exténuée de force, lui retrancha l'heure sainte du jeudi au vendredi et lui défendit toutes les autres austérités qu'elle pratiquait. Sœur Marie-Lazare d'Usson rapporte à ce sujet que la mère supérieure l'ayant trouvée quelque temps avant la mort de la vénérable sœur, elle lui dit « Ma sœur, vous estimez bien ma sœur Marguerite à la coque, mais ce sera bien autre chose quand je vous aurai dit ce que je viens de lui faire. Je lui ai ordonné, dit-elle, de m'apporter tous ses instruments de mortification, discipline, air, cilice, etc. Elle a été sur le champ les chercher et me les a apportés, et les voilà dans mon armoire, mais je ne les lui rendrai plus. » Ce qui fit dire à la déposante « Nous vous sommes tout obligés, ma chère mère, car c'est cela qui la rend toujours malade. » La sainte commençait à prédire ouvertement sa mort. « Je ne vivrai plus guère car je ne souffre rien. Notre chère mère a trop de soin de moi. » Une autre fois, elle dit plus positivement encore, « Je mourrai assurément cette année, parce que je ne souffre plus rien, et pour ne pas empêcher les grands fruits que mon divin Sauveur prétend tirer d'un livre de la dévotion au Sacré-Cœur de Jésus. » C'était le livre du Père Croiset, le volume paru en 1691, contenant, en 106 pages, un abrégé de la vie de la servante de Dieu, ce qui donna bien plus de poids et d'autorité à tout l'ouvrage et contribua bien mieux à faire connaître la nouvelle dévotion. Sentant que l'époux approchait, sœur Marguerite Marie voulut se préparer à sa venue par une retraite intérieure de 40 jours et sonder un peu d'où lui venait cette ardeur véhémente qui la faisait soupirer après la divine rencontre. Elle commença cette retraite exceptionnelle le jour de ses 43 ans, 22 juillet 1690, fête de la Sainte Madeleine. C'est dans le Sacré-Cœur de Jésus qu'elle passa ses 40 jours entiers. « J'ai en lui toute ma confiance, comme étant le seul appui de mon espérance, » écrit-elle. Après lui avoir remis tous mes intérêts, j'ai senti une paix admirable sous ses pieds, où il m'a tenu longtemps comme tout anéanti dans l'abîme de mon néant, attendant ce qu'il jugerait de cette misérable criminelle. Je suis insolvable, vous le voyez bien, mon divin maître. Mettez-moi en prison, j'y consens, pourvu que ce soit dans celle de votre Sacré-Cœur. Et quand j'y serai, tenez-moi bien là, captive et liée des chaînes de votre amour, jusqu'à ce que je vous ai payé tout ce que je vous dois. Et comme je ne le pourrais jamais faire aussi, souhaitais-je de ne jamais s'en sortir. » Elle était dans ses sentiments lorsqu'arriva l'époque des retraites annuelles. À sœur Catherine Augustine Marais, l'infirmière qui l'avait si souvent soignée dans ses maladies, dit un jour « Voici mon rang pour entrer en solitude, mais ce sera dans la grande solitude. » Elle fut saisie de son mal la veille d'entrer en retraite et s'alita le 8 octobre, 9 jours avant le dernier de sa vie. On fit appeler le docteur Billet qui tenait la sœur à la coque en si grande estime. Regardant ses maladies comme causées par l'amour divin, depuis longtemps le bon docteur disait n'avoir point de remède à y apporter. Cette fois, il ne vit aucun symptôme alarmant et paraissait si sûr de son fait qu'il fit gageure qu'elle en reviendrait. Elle fut peinée les premiers jours de la crainte des jugements de Dieu, mais dès qu'elle fut confessée, sa crainte se changea en confiance et son amour et son désir d'aller à Dieu la consommaient. Cependant, la malade continuait à prédire qu'elle touchait à sa fin. Le médecin, l'ayant assuré qu'elle n'en mourrait pas, lui répondit qu'il valait mieux qu'il ne dît pas vrai qu'elle. Mais elle était si convaincue de sa mort prochaine qu'elle demanda instamment le Saint Viatique. comme personne ne la trouva en danger, on ne jugea pas à propos de le lui accorder. Du moins pria-t-elle qu'on la fît communier, puisqu'elle était encore à jeun. On le lui permit. Elle reçut donc la sainte communion avec des ardeurs séraphiques, et sachant fort bien que c'était pour la dernière fois. C'était le 16 octobre. Une sœur, s'apercevant qu'elle souffrait extraordinairement, voulut lui procurer quelque soulagement, mais la malade l'en remercia, avouant que tous les moments qui lui restaient à vivre étaient trop précieux pour en perdre un seul. Oui, elle souffrait beaucoup, mais ce n'était pas encore assez pour la contenter, tant elle trouvait de charme dans les souffrances. Vivre et mourir sur la croix lui semblait si doux que, quel que fût son ardent désir de jouir de Dieu, elle en aurait encore un plus grand de demeurer en cet état jusqu'au jour du jugement, si c'était le bon plaisir divin, tant elle y goûtait de délices. La nuit qui devait être la dernière, sœur Marguerite Marie fut veillée par son ancienne novice, sœur Marie-Nicole de la Fèche des Clènes, qui, jusqu'au lendemain matin à 8 heures, put être témoin de ses transports d'amour envers Dieu. Tantôt c'était par quelques versets des psaumes et de la Sainte Écriture, tantôt par des oraisons jaculatoires toutes spontanées, que la sainte exhalait ses élans embrasés. Ce cœur si tendre et fidèle n'avait pas oublié de faire ses derniers adieux à son petit Louis de Gonzague. Dès le premier jour qu'elle tomba malade, la sœur à la coque l'avait envoyée chercher, disant « Venez-moi voir, ma chère sœur, car je mourrai de cette maladie, et nous n'aurons pas longtemps à demeurer ensemble. Dieu est un feu consumant. » Avant d'admettre cette âme à l'éternelle communion, son amour voulait qu'elle passât par une suprême purification. Voilà pourquoi le dernier jour de cette prédestinée eut ses terreurs comme ses ineffables consolations. Tout d'un coup, elle entre dans des frayeurs étranges du jugement de Dieu. Elle tremble, elle s'humilie, elle s'abîme devant son crucifix. Avec de profonds soupirs, elle répète « Miséricorde, mon Dieu, miséricorde, tel l'épi mûr courbé sous la tempête, tel Marguerite Marie ployant une dernière fois sous la main toute puissante de son Dieu. » Mais le divin soleil reparaît, l'épi se redresse, ou plutôt l'âme de Marguerite exulte dans les miséricordes du Sacré-Cœur. Redevenant sereine et calme, elle s'écrie « Misericordias Domini in aeterneum cantabo ». Oppressée par la fièvre, elle ne peut rester au lit. On la soulève et on la soutient pour l'aider à respirer. Pendant ce temps, elle redit « Hélas, je brûle, mais si c'était de l'amour divin, quelle consolation. Mais je n'ai jamais su aimer mon Dieu parfaitement. » Et s'adressant aux sœurs qui l'entourent, « Demandez-lui un pardon pour moi et l'aimez bien de tout votre cœur pour réparer tous les moments que je ne l'ai pas fait. Quel bonheur d'aimer Dieu. Ah, quel bonheur! Aimez donc cet amour, mais aimez-le parfaitement. » Au milieu de ces avant-goûts du paradis, une crainte traversait l'âme de sœur à la coque, celle de ne pas rester assez cachée et ensevelie dans un éternel oubli après sa mort. Elle fait promettre à sa supérieure de ne jamais parler de tout ce qu'elle lui a dit en confiance et qui pourrait être à son avantage. Il y a des promesses dont la gloire de Dieu dispense et relève. Ne l'oublions pas. Ce n'est pas tout. Elle fait appeler la sœur de Farge. « Je vous prie, lui dit-elle, ma chère sœur, d'écrire incessamment au révérend père Rollin pour le prier de brûler mes lettres et de me garder inviolablement le secret que je lui ai souvent demandé. » Elle dit encore à la même sœur « Je vous prie, ma chère sœur, de brûler le cahier qui est dans une telle armoire, écrit de ma main, par ordre de mon confesseur, le révérend père Rollin, jésuite, car il m'a défendu de le faire moi-même avant qu'il l'eût examiné. » Dieu permit, en cette rencontre, que l'humilité de notre sainte l'empêcha de comprendre que la sœur de Farge était la dernière personne à laquelle il aurait fallu s'adresser pour un pareil office. En effet, vénérant sœur Marguerite Marie comme elle la vénérait, son ancienne novice se garda bien de lui obéir en cette circonstance. Elle se contenta de l'engager à remettre la clé de l'armoire à la supérieure et à faire un sacrifice à Dieu du reste, à quoi elle consentit, quoique cela lui coûtât beaucoup. Le ciel avait veillé à ce que la postérité ne fût point frustrée du trésor de grâce qui renfermait ce cahier. Au moment où celle qui l'écrivait est prête à paraître devant son Dieu, recueillons-nous et admirons la vérité des paroles que son souverain Seigneur lui adressait, alors que cette âme, parfaitement humble, cherchait à se dégager de l'obéissance de révéler tant de divins prodiges d'amour, opérés en sa faveur. Poursuis, ma fille, poursuis. Il n'en sera ni plus ni moins pour toutes tes répugnances. Il faut que ma volonté s'accomplisse. Écris donc sans crainte tout, suivant que je te dicterai, te promettant d'y répandre l'onction de ma grâce, afin que j'en sois glorifié. Premièrement, je veux cela de toi, pour te faire voir que je me joue, en rendant inutiles toutes les précautions que je t'ai laissé prendre, pour cacher la profusion des grâces dont j'ai pris plaisir d'enrichir une aussi pauvre et chétive créature que toi, qui n'en doit jamais perdre le souvenir, pour m'en rendre de continuelles actions de grâce. En second lieu, pour t'apprendre que tu ne dois point approprier ces grâces, ni être chiche de les distribuer aux autres, puisque je me suis voulu servir de ton cœur comme d'un canal pour les répandre selon mes desseins dans les âmes, dont plusieurs seront retirées par ce moyen de l'abîme de perdition, comme je te le ferai voir dans la suite. Et en troisième lieu, c'est pour faire voir que je suis la vérité éternelle qui ne peut mentir. Je suis fidèle en mes promesses, et que les grâces que je t'ai faites peuvent souffrir toutes sortes d'examens et d'épreuves. Que de fois, tandis qu'elle traçait ses pages sublimes, la sainte s'est arrêtée. Ne fût-ce que pour conjurer le Seigneur de faire que cet écrit ne fût jamais vu de personne, que de celui qui devait l'examiner. « Ô mon Dieu, donnez cette consolation à votre pauvre chétive esclave, » dit-elle. Mais elle est obligée d'ajouter. En même temps, ma demande a reçu cette réponse. « Abandonne-toi à mon bon plaisir et me laisse accomplir mes desseins, sans te mêler de rien, car j'aurai soin de tout. » Par cette parole, notre Seigneur ne s'est-il pas, en quelque sorte, engagé à garder à son Église ce que nous osserions appeler un inestimable joyau, dans le trésor des écrits des saints? N'est-ce pas le titre que pourrait porter l'autobiographie de la Vierge de Paray? Mais revenons auprès de son lit de douleur. La mère supérieure avait fait prévenir la famille à la coque. On en avertit la malade. Elle répondit qu'elle ne la verrait point. Mourons et sacrifions tout à Dieu. Telle fut l'une de ses dernières paroles. Vers les 5 heures du soir du 17 octobre, elle eut une faiblesse qui fit redouter un prompt dénouement. De nouveau, elle demanda le Saint Viatique, mais comme elle parut se ranimer, le docteur persista à dire que rien ne pressait, qu'il fallait attendre le lendemain. « J'ai prévenu heureusement, » dit-elle à la sœur de Farge. « Je me doutais bien qu'on ne me croirait pas si mal. C'est pourquoi la dernière fois que j'ai communié, Dieu m'a fait la grâce de le recevoir en viatique. » Et elle aspirait de plus en plus au ciel. « Oui, j'espère que, par la miséricorde du Sacré-Cœur, nous irons dans la maison du Seigneur. » La très honorée mère s'étant retirée, l'infirmière dut bientôt la rappeler. Une sœur trouvait que c'était inutile, mais la mourante dit « Laissez-le faire, il en est temps. » Alors elle pria sa supérieure de lui faire donner l'extrême-onction. On fit aussitôt venir le prêtre. La supérieure voulait aussi faire revenir encore une fois le médecin. Mais sœur Marguerite Marie l'en empêchant, disant « Ma mère, je n'ai plus besoin que de Dieu seul et de m'abîmer dans le cœur de Jésus-Christ. » Toutes les religieuses accoururent. La communauté étant rassemblée, fit les prières de la recommandation de l'âme. Bien que la sœur Péronne Rosalie de Farge et la sœur Françoise Rosalie Verchère ne se trouvassent pas arrivées des premières dans la chambre, la Providence les réunit de chaque côté de la sainte mourante, et ce fut entre leurs bras, selon la prédiction qu'elle leur en avait faite à chacune séparément, qu'elle rendit le dernier soupir. Elle l'exhala en prononçant le Saint-Nom de Jésus, tandis que le prêtre achevait sur elle la quatrième onction. Une beauté toute surnaturelle se répandit sur son visage inanimé. Une auréole semblait déjà l'environner. Les anges, les divins associés de Marguerite Marie, pouvaient chanter autour de sa dépouille mortelle. L'humilité précède la gloire. Le docteur Billet, entrant au moment où la sœur venait d'expirer, parut fort surpris. Rien n'ayant annoncé, d'après les données de la science, une mort si prompte, il ne doutait pas que l'amour divin n'en fût l'auteur. Cette bienheureuse mort arriva entre 7 et 8 heures du soir, le mardi 17 octobre 1690. Dans les communautés, le deuil était général. Peut-être quelques-unes versaient-elles des larmes bien altières en se disant « Faut-il que nous l'ayons reconnue si tard pour ce qu'elle était ?» Les contemporaines déclarent que la défunte laissait une odeur universelle de sainteté. Aussi, quelle paix, quelle joie on ressentait à côté de ce corps glacé par la mort. L'âme, maintenant abîmée en Dieu, l'illuminait d'un rayon céleste. À peine la nouvelle de ce trépas eut-elle franchi les grilles pour se répandre dans la ville, qu'on y pleura comme on a des astres publics. Cria à haute voix dans les rues, la sainte est morte, la sainte des saintes Marie est morte. On criait à haute voix dans les rues, la sainte est morte, la sainte des saintes Marie est morte, répétaient à leur tour les petits enfants de 4 à 5 ans. Le lendemain matin, dès que l'église fut ouverte, elle se remplit d'une pieuse foule, avide de contempler encore une fois la vénérable sœur, dont les restes mortels venaient d'être exposés dans le cœur des religieuses. Tout le monde veut faire toucher des objets de piété au saint corps. Deux sœurs sont constamment occupées à se consoler aux fils et n'y suffisent même pas. Il faut demander du secours complémentaire. Tout le monde aussi veut des reliques de la sœur à la coque, demandant de ses vêtements ou quelque chose écrit de sa main. Mais si grand était le dépouillement de cette vraie religieuse, qu'après sa mort on ne trouva rien lui ayant appartenu, si ce n'est le livre de ses règles et sa discipline. On n'avait encore jamais vu, depuis l'établissement de la maison, à aucun enterrement de religieuse, une si grande assemblée de prêtres religieux, de personnes qualifiées de peuple, qu'à celui de la dite vénérable sœur à la coque. Ce fut au soir du 18 octobre que les funérailles se firent et que le corps de cette âme élue fut déposé au lieu de la sépulture, sous le cœur des religieuses. Les ecclésiastiques qui pénétrèrent dans la clôture à cette occasion imitèrent la dévotion du peuple. Chacun, dit Monseigneur Languet, voulut emporter quelques reliques de la sainte défunte, jusqu'à couper des morceaux de ses habits ou de son voile. Et l'un d'eux, ayant enlevé le petit crucifix qu'elle tenait dans ses mains, refusa constamment de le rendre à la maison, disant que c'était le plus précieux trésor qu'il put acquérir et laisser à sa famille. Une sœur de la communauté, sœur Marie-Suzanne de Bisefranc, ayant écrit au révérend père Rollin pour lui parler de celle dont la glorification était si manifeste, le saint religieux répondit en ces termes: « Je vous suis très obligé de tous les détails que vous m'avez faits dans vos deux dernières lettres, touchant la très vénérable sœur à la coque, que Dieu fait honorer sur la terre, ce qui est bien une marque de son élévation et de sa puissante intercession auprès de Dieu dans le ciel. J'en loue et bénis notre Seigneur, la révérend comme je fais. Vous pouvez bien croire que j'y prends toute la part que je dois. Elle m'a honoré de son amitié et de sa confiance pendant qu'elle a été sur la terre. Je ne doute pas qu'elle ne me donne dans le ciel le secours de ses prières. J'y compte beaucoup, mais pour nous les attirer, vous et moi imitons ses vertus dont nous avons été les témoins. C'est par là que nous nous attirerons sa protection. Elle a été très fidèle à Dieu. Elle ne lui a jamais rien refusé de ce qu'il lui a demandé. Elle a été très mortifiée. Les souffrances ont fait ses délices. Rien de plus humble, de plus charitable et de plus unie à Dieu, joint à une obéissance parfaite. Voilà ce qu'a été cette grande servante de Dieu. » La confiance des fidèles en son intercession fut maintes fois récompensée par des faveurs extraordinaires, soit dans l'ordre spirituel, soit dans l'ordre temporel. Grâce aux ailes de l'abbé Languet, alors vicaire général d'Autun, depuis évêque de Soissons et archevêque de Sens, la procédure ecclésiastique fut commencée en 1715, pour instruire la cause de béatification et de canonisation de l'humble visitandine. Sans se soucier des fureurs ni des sarcasmes des jansénistes, Monseigneur Languet consacra sa plume d'académicien à écrire la vie de la vénérable mère Marguerite Marie. L'ouvrage parut en 1729. Il fallait du courage pour parler de telles choses à une telle époque. Les amis du savant évêque l'engageaient en toute éventualité à ne pas signer de son nom ce livre si compromettant. Moins pusillanime et surtout plus surnaturelle fut la sœur de Farge. Elle écrivit de son style simple et sans façon à Monseigneur Languet que Dieu le Père avait bien souffert que le nom de Jésus, son Fils, fût mis au-dessus de sa croix et que sa grandeur ne devait pas refuser de mettre le sien à la tête de ce livre, quelque croix et mortification qu'il dût lui en revenir. Le prélat suivit ce conseil et si la publication de ce volume attira sur son auteur une véritable persécution de la part des jansénistes et des philosophes, ennemie née de la dévotion au Sacré-Cœur, elle lui attira bien davantage encore les bénédictions de ce cœur adorable. Le Seigneur prit soin d'entourer d'honneur le nom de sa bien-aimée disciple à travers les siècles. Lui-même aussi veilla pour que ses ossements précieux fussent conservés et qu'après la tourmente révolutionnaire, ils fussent rapportés par les sœurs de Marguerite Marie dans ce même monastère où elle avait si héroïquement correspondu à la grâce de sa vocation et de sa mission spéciale. Jamais d'ailleurs ces ossements bénis n'avaient quitté le territoire de Paray, même au plus fort de la terreur. Lorsqu'était arrivée l'heure douloureuse de la dispersion de la communauté, 23 septembre 1792, on les avait confiés à sœur Marie-Anne Félicité Laurencher, dont la famille habitait proche le monastère. Mais cette religieuse ayant dû se rendre à Beaune, son pays natal, elle laissa le dépôt sacré à sœur Marie-Thérèse Petit. C'était le remettre entre bonnes mains. La sœur Petit, qui appartenait à une très honorable famille de Paray, n'était pas de nature à trembler en face du danger. Aussi ne crut-elle pas devoir cacher les deux petites châsses de bois dont la Providence venait de l'établir gardienne. L'une contenant les ossements de la vénérable sœur à la coque, l'autre ceux du père de la Colombière. Quand les municipaux faisaient des visites domiciliaires chez elle, la sœur Petit, leur montrant les deux châsses, disait son mystère: « Voilà mon trésor, je vous défends d'y toucher. » On lui obéissait. Ce serait nous laisser entraîner trop loin que de raconter ici les obstacles de tout genre qui, durant de longues années, s'opposèrent à la restauration définitive du monastère de Paray-le-Monial. Il fallut un sublime courage, non moins qu'une très humble constance, à celle que Dieu avait marquée pour l'accomplissement de cette œuvre. Nous nommons la mère Marie-Rose Carmois et la sœur Marie-Thérèse Petit, qui furent comme l'âme de cette laborieuse et délicate entreprise. En 1817, plusieurs sœurs de l'ancienne communauté de Paray, saintement impatientes de reprendre le joug de la vie religieuse, allèrent se réunir à l'ancien monastère de Moulins, qui se reconstituait à la Charité-sur-Loire. Les sœurs émigrantes avaient conçu le projet d'emmener avec elles la petite chasse, confirmant les restes de la sœur à la coque. Mais leur dessein ayant été surpris, la ville de Paray s'alarma. On recourut aussitôt à l'autorité de l'évêque d'Autun, qui était alors Mgr Fabien Sébastien Imberti. Sa grandeur lança une ordonnance spéciale, chargeant le curé de Paray, M. Noiret, de se concerter avec messieurs les maires et adjoints de la ville pour faire en sorte que la chasse de la vénérable sœur à la coque, comme aussi celle du père de la Colombière, les deux, on l'a vu, étaient conservés ensemble, fussent gardés à la cité de Paray-le-Monial. Des mesures immédiates furent prises en conséquence, et Paray ne fut pas dépouillé de sa perle précieuse. Aux yeux de tous, il venait de prouver noblement qu'il en appréciait la valeur. Les deux chasses demeurèrent quelque temps dans une tribune du transept de l'église paroissiale. Sans doute, M. le curé ne les y jugeait point assez en sûreté, car on les trouva dans sa propre demeure lorsqu'il mourut le 12 septembre de cette même année 1817. Alors, toute inquiétude étant dissipée au sujet de l'enlèvement des saintes reliques, elle fut rendue avec l'approbation ecclésiastique et du consentement de la ville aux religieuses qui attendaient persévérément à Paray leur établissement canonique de leur communauté. Ces saintes et vaillantes âmes n'avaient-elles pas grâce pour veiller, mieux que personne, à la garde d'un tel trésor? Le jour de la rentrée dans le monastère, 16 juin 1823, les ossements de la servante de Dieu y furent réintégrés avec grande joie, mais sans aucune pompe extérieure, parce que tout ce qui eût ressemblé à un culte public aurait pu nuire à la cause. La petite chasse ne fut pas replacée dans l'ancien caveau funéraire sous le cœur des religieuses. Elle eut plusieurs lieux de repos à l'intérieur du monastère, suivant les diverses indications reçues de Rome en vue de la béatification. Les malheurs de l'Église de France avaient forcément interrompu les procédures, qui ne purent être reprises que longtemps après la Révolution. Le 30 mars 1824, Sa Sainteté Léon XII signait la commission d'introduction de la cause. Selon la coutume alors tolérée, la servante de Dieu recevait le titre de vénérable. Marie-Marguerite conserva ce titre pendant 40 ans, dans l'espace duquel furent opérés les trois miracles nécessaires à la béatification. Le premier fut obtenu en 1828 en faveur de sœur Marie de Sales, Charot, prophète du monastère de Paray-le-Monial, cette religieuse ayant été guérie d'un cancer interne à l'estomac. En 1830, le 21 juillet, veille de la reconnaissance juridique du tombeau de la Vénérable, la sœur Marie-Thérèse Petit, celle-là même qui avait si bien gardé ses restes mortels pendant la dispersion de la communauté, fut guérie subitement d'un anévrisme invétéré au cœur. Enfin, en 1841, sœur Louise-Philippine Bolani, prophète du monastère de la Visitation de Venise, se voyait gratifiée d'une guérison parfaite et instantanée. Sa maladie était une phtisie pulmonaire tuberculeuse incurable. Ces trois miracles furent reconnus authentiques par un décret du 24 avril 1864. Le 18 septembre de la même année, Pie IX, de sainte mémoire, proclama Marguerite Marie bienheureuse. Quelques mois plus tard, en juillet 1865, Paray-le-Monial célébra de splendides fêtes en l'honneur de sa nouvelle bienheureuse. Ce fut alors que ses ossements sacrés furent déposés dans la magnifique châsse en vermeil que les pèlerins admirent dans la chapelle de la Visitation de Paray. Ce modeste mais béni sanctuaire est bien celui qui fut témoin des grandes apparitions du Sacré-Cœur. Quand les fidèles en franchissent le seuil, ils peuvent se dire qu'ils foulent une terre sacrée entre toutes et qu'ils entrent dans le Saint des Saints de la Nouvelle Alliance. Seuls les anges qui entourent le tabernacle pourraient nous révéler les mystères de grâce qui se sont opérés en ce lieu, surtout depuis l'année 1873, époque à laquelle les grands pèlerinages commencèrent à s'organiser, amenant d'innombrables foules vers le Sacré-Cœur. Pécheurs convertis, âmes relevées et consolées, cœurs éclairés et fortifiés, qui dira leur nombre? C'est surtout dans ce sanctuaire que se vérifie la parole du maître à sa disciple. « Je veux que tu me serves d'instrument pour attirer les cœurs à mon amour. » En 1890, l'éminent évêque d'Autun, Mgr Perrault, désira commémorer solennellement le second centenaire de la mort de la Bienheureuse, à laquelle des liens de parenté l'unissaient. Le grand évêque obtint de sa sainteté Léon XIII, et pour Paray-le-Monial, un jubilé de 7 semaines, qui fut déjà tout un triomphe pour notre bienheureuse, en même temps qu'une source de sanctification pour bien des âmes. Depuis cette époque surtout, que de supplications sont montées vers le ciel de toutes les parties de la terre, mais principalement de tous les monastères de la Visitation, pour obtenir la canonisation de la servante de Dieu. Il fallait d'abord obtenir 2 nouveaux miracles parfaitement constatés, et non seulement de simples grâces de guérison. Ceux qui furent choisis pour être soumis à l'examen de la Sacrée Congrégation des Rites remontent aux années 1900 et 1903. En 1900, la signora Louise Agostina Colicci à Pompéi fut guérie instantanément d'une méningomyélite. Et en 1903, la comtesse Antonietta Pavesi Astori obtint de même, par l'intercession de la bienheureuse Marguerite Marie Alacoque, la guérison instantanée d'un douloureux cancer. Au cours de l'examen, de nombreuses difficultés surgirent. Plus d'une fut sans doute suscitée par le démon, toujours opposé à l'exaltation de cet humble entre les humbles. Mais enfin, la Providence déjoua toutes les ruses infernales et dénoua toutes choses, heureusement, même contre toute attente, puisque ce fut en pleine guerre que la cause de Marguerite Marie fut reprise. Notre très saint père, le pape Benoît XV, daignant la couvrir d'une protection admirable, elle finit par triompher de tous les obstacles. Le 6 janvier 1918, fête de l'Épiphanie, dans le palais apostolique du Vatican, le pape promulgua le décret d'approbation des miracles. Le 17 mars suivant, dimanche de la Passion, la cause de Marguerite Marie, cette grande amante de la croix, était heureusement terminée. Le solennel décret de Toutot établissait qu'on pouvait en toute sûreté procéder à la canonisation. Mais la grande guerre européenne durait encore, et les circonstances n'étaient pas assez favorables au déploiement des faits d'une canonisation. Un nouveau délai s'imposait. Enfin, l'heure marquée par Dieu de toute éternité arriva, où, à la joie de la terre comme du ciel, la disciple privilégiée du cœur de Jésus devait recevoir l'auréole des saints. Le 13 mai 1920, dans la plus grandiose des cérémonies, en présence d'un nombre extraordinaire de cardinaux, archevêques ou évêques et d'une foule de fidèles venus de tout pays, mais principalement de France, le souverain pontife Benoît XV déclara Marguerite Marie sainte. Puis il entonna le Te Deum et toutes les cloches de Rome annoncèrent la canonisation. Or, c'était en la fête de l'Ascension. Car la Providence voulut que celle qui avait toujours suivi Jésus-Christ sur le chemin de la souffrance et du calvaire fût associée d'une manière ineffable à la gloire de son triomphe. La suprême glorification de Marguerite Marie, c'est le dernier sceau à poser sur les révélations de Perret le Monial, et l'Église a fait briller le dernier rayon qui manquait encore au plein éclat de la dévotion au Sacré-Cœur. Dieu en soit loué. Un souvenir de cette canonisation demeure dans la basilique vaticane. C'est le grand tableau de l'apparition du Sacré-Cœur que Benoît XV fit exécuter par le peintre Carlo Muccioli et, placé dans Saint-Pierre, au-dessus de l'autel que sa sainteté venait de dédier au Sacré-Cœur. La visitation de Rome via Salaria fêta la nouvelle sainte dès le soir même du 13 mai 1920, en une cérémonie qui réunissait une assistance d'élite dans la chapelle du monastère. Pour satisfaire la piété des Romains, il fallut pendant de longs jours faire une large distribution de médailles, d'images et de vies de la sainte de Paris. De plus, la postulation fut célébrée dans l'église du Guéjou au mois d'avril 1921, un solennel triduum d'action de grâce, durant lequel de grandioses fonctions se déroulèrent et des orateurs de choix se firent entendre. Quand apparaît le monial auprès des restes mortels de la sainte, il y eut des fêtes immédiates et des fêtes successives prolongées. Tout d'abord, du 13 au 16 mai, ce fut un premier triduum qui fit monter vers Dieu sans retard la profonde reconnaissance du monastère de Sainte Marguerite Marie. Qu'il faisait bon se presser alors dans le privilégié sanctuaire des apparitions et entourer la chasse de celles dont on pouvait réellement dire « Exultabum ossa humiliata ». Au dehors comme au dedans du cloître, tout chantait la gloire de la disciple du cœur de Jésus. Et ce n'était qu'un prélude, car Monseigneur Bertoin, évêque d'Autun, avait obtenu du Saint-Père d'exceptionnelles faveurs en l'honneur de la canonisation. Un jubilé extraordinaire fut accordé à Paray le Monial à cette occasion, et divisé en 5 périodes, s'échelonnant ainsi du 8 au 24 octobre 1920, du 20 avril au 5 mai 1921, du 20 mai au 8 juin 1921, du 2 au 15 août 1921. Du 2 au 17 octobre 1921. Chacune de ces périodes fut honorée de la présence d'évêques, archevêques ou cardinaux et attira des multitudes de pèlerins à Paray. Des sources de grâce plus abondantes que jamais semblaient ouvertes aux âmes en ces lieux bénis. L'héroïque servante de Dieu qui s'y sanctifia dans l'obéissance et l'humilité eut d'éloquents et de nombreux panégyristes. Il y eut des processions splendides à travers la ville et même, par privilège spécial émané du Saint-Père, dans l'enclos du monastère. On y porta plusieurs fois en triomphe la chasse de la Sainte. Au mois d'août 1921, elle fut escortée, entre autres éminents prélats, par son Excellence Mgr Raphaël Virilli, archevêque de Ptolémaïs. À bon droit comme postulateur, il pouvait, plus que nul autre, se réjouir du succès final de la chère cause. Enfin, au mois d'octobre 1921, ce fut son Excellence Monseigneur Cerretti, archevêque de Corinthe et nonce apostolique à Paris, qui présida la clôture du jubilé de la canonisation, au jour même de la fête de Sainte Marguerite Marie, 17 octobre, dans une véritable journée d'apothéose, inoubliable souvenir pour ceux ou celles qui assistèrent à ces douces solennités. Dans les monastères de la Visitation, et ailleurs aussi, on rivalisa d'ardeur pour exalter la glorieuse canonisée du 13 mai 1920. Durant toute l'année qui suivit, ce fut dans les diverses parties de l'univers catholique, une succession de fêtes en son honneur, ou plutôt en l'honneur du cœur de Jésus, puisqu'il est impossible de séparer la disciple du Maître, et qu'on ne peut parler d'elle sans parler de lui. Et maintenant, ô Sainte Marguerite Marie, continuez votre mission. Soyez toujours pour le monde la messagère du Sacré-Cœur. Révélez-nous toujours davantage son amour. Qu'il règne ce cœur adorable et infiniment miséricordieux. À lui, louange et gloire dans les siècles des siècles.